refrain, ça c'est le refrain. Normalement c'est bon. C'est un peu compliqué, hein. Mais normalement c'est bon. Ce qui est étrange, mais ça doit être bon. Eh bien, chers frères, j'ai mis une réverbe de cathédrale. Nous sommes réunis. Nous sommes réunis ici pour prier. Prions le Seigneur. Avec une chanson de Ticonomie. Le groupe J'aurais dû faire comme. Tu vas nous faire un putain de solo. Après plusieurs essais, normalement, on devrait y arriver. Il faut te caler, Titi, c'est pas calé là. Il n'y a pas de batterie, hein. Il n'y aura pas de batterie. Oh, bien JP, bien JP, il fait le solo au synthé, au piano, à l'orgue. Allez, c'est parti. Talking away, I don't know why I'm to say I say it anyway. Today I'll know the day to find you shining away. I'll be coming for your love, take on me. Day up to you. Oh, oh. day another day to find me shining away. I'll be coming for your love today. Oh, me. Take me home. I'll be home in a day. Invitez Manu. Et pas là, Manu? On va la refaire. Avec un solo de JP après. Coming for you anyway. Take day after. C'est un saxophone. Bon, moi j'arrête. Soirée karaoké est terminée. Version.